Chapitre 15. Le lendemain, au moment où le colonel allait descendre déjeuner, Gaston de Pompérant entra dans sa chambre. « Cher ami, dit celui-ci, je viens déjeuner avec vous, puis après je vous emmène à Longchamp. Votre idée de déjeuner est heureuse et je vous remercie de l'avoir eue. Celle d'une promenade à Longchamp l'est beaucoup moins, car je ne peux pas vous accompagner. Comment ? Ne voulez-vous pas venir aux courses ? C'est la seconde journée, elle sera très intéressante. » Tous nos grands chevaux de l'année dernière, Gontran, Berta Gudin, Victorieuse, sans compter les jeunes, Patricien, Ruy Blas. Il y aura beaucoup de monde. Vous trouverez là une partie du tout Paris qui était avant-hier soir aux variétés et une autre qu'il faut que vous connaissiez. Je peux d'autant moins aller avec vous au bois de Boulogne que j'ai promis de passer la journée sur les bords de la Marne. Comment ? Sur les bords de la Marne ? Mais mon cher... Un homme de notre monde qui se respecte ne va pas sur les bords de la Marne. Cela n'est pas correct. Je croyais que les bords de la Marne étaient très beaux. Il ne s'agit pas de cela et je n'en sais rien. Mais ce que vous devez savoir, vous, c'est qu'un Parisien de Paris ne dépasse la rue Richelieu que pour une première aux variétés ou au gymnase. Dans l'ouest, tant que vous voudrez. Dans l'est, jamais. En tout cas, j'espère que vous allez me sacrifier vos bords de la Marne et venir avec moi. Il le faut, je vous ai promis. Mais de mon côté, je me suis promis moi-même. Hier, on a parlé de vous chez la marquise de Lucilière. Elle veut vous connaître, et je me suis engagé à vous présenter à elle aujourd'hui. Songez, mon cher Édouard, que la marquise est la reine de notre high life. Vous avez dû voir son nom cité souvent dans nos journaux. Une réunion où elle ne va pas n'existe point. Sa cour est composée de tout ce qu'il y a de distingué à un titre quelconque. Diplomate étranger, financier, grand seigneur, Lord Ferguson, le prince Seratov, Serkis Pacha, le duc de Mestosa. En écoutant cette énumération, le colonel se mit à sourire. « Vous riez, » interrompit Pompérant. « Je ris de voir qu'auprès de cette reine du monde parisien, il n'y a que des étrangers. Peut-être est-ce cette qualité d'étranger qui lui plaît en vous, je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle tient à vous voir, elle n'a pas d'Américain dans sa galerie. Est-ce galerie ou ménagerie ? « Mon cher Édouard, ne plaisantez pas avec Madame de Lucilière. Nos femmes du demi-monde vous ont laissé froid l'autre soir, et jusqu'à un certain point, je comprends votre calme. Mais vous ne connaissez pas Madame de Lucilière. Le baron Hardinge s'est ruiné pour elle. Darsac s'est brûlé la cervelle. Le petit Maurice a été mourir aux aubonnes. Voilà qui est tout à fait encourageant et qui doit véritablement me décider. D'abord, vous n'êtes pas ruinable. Ensuite, vous n'êtes pas poitrinaire. Le sort de ceux dont je viens de vous parler ne vous est donc pas réservé. Celui qui vous attend, je ne le connais pas et ne le prévois pas. Ce que je sais seulement, c'est que Madame de Lucilière désire vous voir et que vous ne pouvez pas ne pas vous rendre à son désir. Que voulez-vous que je lui dise ? Que je suis pour aujourd'hui engagé ailleurs. Cela a l'air d'une défaite. Ce n'en est pas une. Hier, j'étais voir mon oncle et ma petite cousine, vous savez, celle dont je vous ai parlé. Ah, mon Dieu ! Celle que vous devez épouser si précisément. Affreuse, n'est-ce pas ? Horrible. Mais pas du tout. Charmante. Vous plaisantez. Charmante, je vous assure. Élevée à la diable. Très bien élevée par un oncle qui lui a donné une instruction sérieuse. Et vous épousez ? Ah, ceci est une question d'un autre genre. Pardonnez-moi de vous l'avoir posée. Dans ma stupéfaction, elle m'a échappé. Je voudrais y répondre, mais je ne sais ce que je ferai dans l'avenir. Pour le présent, je sais seulement que je passe la journée au bord de la Marne avec cette petite cousine qui n'est ni affreuse et ni horrible, qui n'a point été élevée à la diable et que je désire étudier d'un peu près pour voir si j'exécuterai ou n'exécuterai pas les volontés de mon père. Vous devez comprendre, cher ami, que tout instant de votre part ne changerait rien à ma détermination. Je vous ai dit que je n'avais qu'une seule affaire sérieuse à régler à Paris et qu'en dehors de cette affaire, je vous appartenais entièrement. C'est de cette affaire qu'il s'agit aujourd'hui, je réclame donc ma liberté. Vous me présenterez à Madame de Lucilière un autre jour, demain, quand vous voudrez, pour aujourd'hui, expliquez-lui ma situation. Je m'en garderai bien. Vraiment, mon cher Édouard, vous êtes un peu trop huron de croire que je vais aller dire à la marquise que si je ne lui amène pas mon ami le colonel Chamberlain, c'est que le dit colonel va s'ébattre sur les bords de la Marne, avec une petite cousine à lui, une jeune ouvrière de la rue Saint-Antoine. Rue de Charonne. Cela se vaut. Mais, mon cher, malgré le prestige que vous donnent vos millions, vous seriez coulé, du coup. On n'a pas de cousine ouvrière, on n'en a pas qui demeure rue de Charonne. Dois-je tuer mes parents ? Non, mais vous êtes assez riche pour les placer dans une position qui ne soit pas déshonorante pour vous. Faites-leur une rente et expédiez-les à la campagne, loin, très loin, le plus loin possible. Et vous croyez qu'ils accepteraient? Vous nous connaissez mal, eux et moi. Eux, en pensant qu'ils cesseraient de travailler pour vivre à mes dépens, moi, en me supposant capable de leur faire une proposition de ce genre. Mais assez là-dessus, je vois bien que nous ne pourrions pas nous entendre. Nous n'avons pas les mêmes idées. Que pourriez-vous me répondre si je vous disais, ce qui est vrai, que je suis fier de mes parents et du nom qu'eux et moi nous portons, dame? La politesse vous empêcherait de parler sincèrement, n'est-ce pas? Il vaut donc mieux ne pas agiter ces questions entre nous. Allons déjeuner. C'était précisément parce qu'il était fier de ses parents et du nom de Chamberlain que le colonel n'osait interroger son ami sur le vol commis chez Amenzaga. Malgré sa curiosité d'être fixé sur ses soupçons, il avait peur d'apprendre la vérité et de les voir confirmés. S'il devait l'être, il ne voulait point que ce fût par quelqu'un devant qui il aurait à rougir. Aussi, depuis l'arrivée de son ami, retenait-il les questions qui lui montaient aux lèvres. Cet Anatole, quel était-il? Mais en déjeunant, Gaston de Pompérant, qui ne pouvait plus parler de Madame de Lucilière, la discussion ayant été close par le colonel de manière à ne pas permettre de la rouvrir, se rejeta sur le vol. N'était-ce pas abominable? Avait-on jamais vu chose pareille? « Ce n'est pas du vol que je parle, s'écria-t-il, et même à vrai dire, personne ne plaint Amenzaga. On est même plutôt disposé à lui rire au nez, c'est de Raphaël. Qu'a-t-elle donc fait? Les journaux ne parlent pas d'elle. Ce qu'elle a fait? Comment? Voilà une fille qui, depuis que nous l'avons lancée, n'a eu pour amant que des honnêtes gens, des hommes de notre monde, qui nous savaient un nom, et vous demandez ce qu'elle a fait. L'accuse-t-on de complicité dans ce vol? S'il n'y avait que cela! On pourrait peut-être lui trouver des circonstances atténuantes, car enfin, le vol s'explique et se comprend quelquefois. Mais non, elle prend pour amant de cœur un faubourien, un pâle voyou. On connaît cet amant? Demanda le colonel, qui ne put retenir cette question. On sait que c'est une vulgaire canaille et c'est bien assez. Au reste, voici comment cela a été découvert. Les journaux n'en ayant rien dit, vous devez l'ignorer. En voyant l'énorme tas de billets qui grossissait à chaque coup devant Amenzaga, Raphaël, qui avait quitté la table, a dit « Ah, si Anatole pouvait être là !» Ce mot a été entendu et répété à Amenzaga, ce qui prouve, remarquez-le bien, qu'il avait un ami, c'est-à-dire un complice, dans la réunion. Dans sa déclaration à la police, Amenzaga a naturellement commencé par rapporter ce propos, qui était significatif. Et naturellement aussi, la police a commencé par rechercher quel était cet Anatole. Il ne lui a pas fallu longtemps pour découvrir qu'il était depuis plusieurs mois l'amant de Raphaël. Cela fait, il restait à trouver M. Anatole lui-même. 2 heures après, il était arrêté dans un café borgne du faubourg Saint-Honoré au moment où il allait se mettre à jouer au billard. Ce qui, paraît-il, est son unique occupation. Quel rôle a-t-il joué dans le vol? Ce n'est pas lui qui s'est introduit chez Amenzaga. On en a la preuve par ce fait qu'Amenzaga est certain d'avoir mordu à un doigt celui qui le bâillonnait. Or, tous les doigts de M. Anatole sont intacts, sans trace de morsure. On suppose qu'il a prévenu un complice, qu'il y avait un coup à faire chez Amenzaga, et que c'est ce complice qui a exécuté le vol. Ce qui donne une grande force à ses soupçons, c'est que des sergents de ville ont vu ce joli monsieur se promener longtemps sous les fenêtres de Raphaël, pendant que nous étions chez elle, et qu'on l'a vu aussi s'entretenir avec un individu inconnu. C'est évidemment cet inconnu, bien renseigné par Anatole, qui a commis le vol. Vous voyez maintenant la marche des choses, n'est-ce pas? Raphaël disait à son amant ce qui se passait chez elle ou chez ses amis, et celui-ci, opérant sur des renseignements précis, mettait ses complices en action. Voilà comment a eu lieu le vol chez Despoudailan et celui d'Amenzaga. Mais alors, si c'est ainsi, Raphaël elle-même serait complice de ces vols? Non, au contraire, cela n'est pas probable. Raphaël se laissait naïvement tirer des renseignements par son amant. Voilà son rôle, et il est assez ignoble. Où allons-nous, mon cher, si nos maîtresses prennent pour amants des gens de cette espèce? Et pourquoi vous-même prenez-vous des maîtresses de cette espèce? Comment? Vous la défendez? Mais telle n'était pas l'intention du colonel. Son observation n'avait été provoquée que par l'indignation de son ami. Une femme à nous, un faubourien, n'est-ce pas abominable? Tout ce que voulait le colonel, c'était apprendre quel était ce faubourien. Mais Gaston ne savait rien autre chose que ce qu'il avait déjà dit. Un pâle voyou, et c'était tout. Il est vrai que, pour son exaspération, c'était bien assez. Pour lui, qu'importait le nom de cette espèce. Lorsqu'après le déjeuner, Gaston fut parti, le colonel résolut d'aller chez Raphaël elle-même et de la faire parler. C'était le parti le plus simple à prendre. Par elle, il arriverait bien sans doute à savoir si ses pressentiments étaient fondés. Mais comme il approchait de la maison du boulevard Haussmann, où demeurait Raphaël, une Victoria s'en éloignait, au trot rapide de chevaux ronds guirlandés de rubans, qui faisaient sonner joyeusement leurs grelots. Une femme, à demi couchée dans cette voiture, laissait flotter au vent les plumes rouges et les dentelles blanches de son chapeau. C'était Raphaël, en toilette printanière, qui partait pour les courses. Il était trop tard pour l'arrêter. Alors le colonel, appelant un cocher qui passait, se fit conduire à la gare de l'Est. Le lendemain, il serait temps de chercher à savoir si ce pâle voyou était bien décidément le frère de Thérèse.